À la page. La peau. Il y a la peau qui est là. Tout ça qui est là, je cherche que tu veux. Moi, conseil, regardez bien. Alors, nous avons fait un autre pari. Maman, il a pris un cantique là pour nous faire chanter Noël. Mais dans nos voix et nos cœurs, et chantons à l'unisson. C'est un gagne-lui pour nous, c'est Noël pays nous en. Pendant les yeux nous ouverts, on nous chante Noël. Aïe, Madiana, je m'en monte. Le jour va s'ouvrir, je m'en monte. Aïe, Madiana, je m'en monte. Mais bon, ça manque à Wallaria. Aïe, Madiana, je m'en monte. Le jour va s'ouvrir, je m'en monte. Aïe, Madiana, je m'en monte. Mais bon, ça manque à Wallaria. Aïe, Madiana, je m'en monte. Le jour et la nuit, je m'en monte. Aïe, Madiana, je m'en monte. Mais bon, ça manque à Wallaria. Aïe, Madiana, je m'en monte. Le jour va s'ouvrir, je m'en monte. Aïe, Madiana, je m'en monte. Mais bon, ça manque à Wallaria. Madou, inga, bia. Madu ying ye biyan, madu ying ye biyan, mi mo sanu kapola biya, madu ying ye biyan, madu ying ye biyan, madu ying ye biyan, fonte si le poisson et oh, pour nous le Martinique, et y'en a la sacrée, parce qu'on y a quoi hanter, le café qu'on les aïeux, Noël pour nous c'est la vie, Noël pour nous c'est la joie, mais si Jésus qui est béni, on nous chante Noël. Le jour va s'ouvrir. Aïe, Madiana, mais bon, ça manque à Wallaria. Aïe, Madiana, le jour va s'ouvrir. Aïe, Madiana, mais bon, ça manque à Wallaria. Aïe, Madiana, le jour va s'ouvrir. Aïe, Madiana, mais bon, ça manque à Wallaria. Aïe, Madiana, le jour va s'ouvrir. Aïe, Madiana, mais bon, ça manque à Wallaria. Dans nos voix et nos cœurs, et chantons à l'unisson. C'est un bagage qu'on dit pour nous, que Noël pays nous a. Pendant deux ans, nous ouvrons, on nous chante Noël. Oui, aïe, Madiana, je pars mon pied. Le jour va s'ouvrir, aïe, Madiana, je pars mon pied. Mais bon, ça manque à la vie. Aïe, Madiana, je pars mon pied. Le jour va s'ouvrir, je pars mon pied. Aïe, Madiana, je pars mon pied. Mais bon, ça manque à la vie. Ma passé à cet endroit, ma passé Trinité, ma passé ma coupa, mais bon ça manque à la vie. Ma passé à cet endroit, une descente du cos, le jour et la nuit, mais bon ça manque à la vie.